Au milieu d'un village est né le dernier envoyé de Dieu sur terre. Jésus avait prédit qui sera la lumière pour tous les hommes. Son critère. Merci mon Dieu de nous donner ce dernier espoir. Le messager Mohammed Rasulallah. Allah, Allah, Allah, Allah. Le dernier messager. La ilaha illallah. La lumière Allah, et l'espoir. Allah, Allah, Allah. Le dernier messager. La ilaha illallah. Son message de paix dans un monde égaré nous a délivrés de nous-mêmes, sauvés de nos peines. Le Coran nous a guidés, nous a éclairés, nous a fait comprendre que tout est vain, seul reste Dieu dans tous les temps. Merci mon Dieu de nous donner ce dernier espoir, le messager Mohammed Rasulallah. Allah, Allah, Allah, Allah. Le dernier messager. La ilaha illallah. Lumière et l'espoir. Allah, Allah, Allah. Le dernier messager. La ilaha illallah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Jésus alayhi salam sont tous les deux des frères. Ils ont apporté le même message sur terre. C'est adorer un seul Dieu, unique, créateur des cieux et des terres. Allah, Allah, Allah.